Ok, la chanson suivante est appropriée à la soirée. On a fait une chanson parce qu'on en a marre. Bon, c'est vrai, on est en Bretagne et tout, il pleut souvent. C'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Ouais, on a écrit une chanson contre toutes ces prévisions de la météo qui nous font chier, quoi. Qui sont jamais vraies. Hey, même s'il pleut dehors ici, au moins il fait bon! Ensoleillé, ma foi, je ne vois pas pourquoi je sortirais pas. Avant tout ça, je dois me descotcher, arriver à me motiver. Le programme de la journée est tout tracé, je file direct chez Ludo. Sur ma bicyclette, je suis bien avancé, j'avance tranquille, me rip du reggae. Météo, météo, météo, t'es où t'es caché? Météo, météo, météo, t'es où t'es caché? Commence à m'enflammer, mes genoux se croisent à l'allure d'un ska. Mais une fois passé le premier col, je stoppe tout de suite mon envol. Comme les festinas, quand je suis rap la plage, j'ai besoin de ma meca. Mais elle est différente, celle qui hante, c'est la héberte et mieux parfumée. Hey, hey! Oh, météo, météo, t'es où t'es caché? Météo, météo, météo, t'es où t'es caché? Je n'en peux plus, je vais me poser, je m'arrête sur le bas-côté. Les vaches sont toutes détonnées, elles ont raison de ne pas speeder. Putain, aujourd'hui c'est vrai qu'il fait beau, allez je me roule un gros bédo. Une feuille, deux feuilles, allez hop c'est parti, mais c'est quoi ce gros nuage gris? Météo, météo, météo, t'es où t'es caché? Météo, météo, météo, t'es où t'es caché? Petit coin de paradis, bientôt inondé par la tempête. Heureusement sur moi j'avais un bout de parapluie pour protéger la tête. Le cyclone de l'eau est perturbé, le thermomètre ne cesse de grimper. Par notre faute la terre se sent agressée, à nous de la faire respecter. Météo, météo, météo, t'es où t'es caché? Météo, météo, météo, t'es où t'es caché? Météo, météo, météo, t'es où t'es caché? Merci. C'est vrai? Il est tout vieux pourtant. Est-ce que ça va toujours à Rennes? Est-ce que ça va dans le fond là-bas au bar, il y a assez à boire? C'est le principal!